بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لون جاء الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblé de ses assises pour se conseiller mutuellement la vérité et l'endurance. Et nous sommes avec ce sujet qui est d'une grande importance dans notre religion, qui est le fait de faire très attention à ses fréquentations. Le titre de cette série étant « Alerte aux mauvaises fréquentations ». Donc aujourd'hui, nous allons voir que le fait de ne pas avoir de compagnons est mieux d'avoir une mauvaise fréquentation. Car dans notre époque, dans notre temps, rares sont les compagnons vertueux à notre époque. Et cela ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, abadan. Car notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a annoncé qu'il y aura toujours une fraction de la communauté sur la vérité. Mais chercher un compagnon vertueux, digne dans cette marée de divions et de débauchés, demande de la persévérance et de la patience. Et quand on le trouve, il faut savoir le garder et ne pas le délaisser. Et il faut savoir se comporter avec, comme on doit se comporter avec un compagnon vertueux. Notre messager sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique rapporté par Abu Daoud et par le Bukhari, a dit, alayhi salatu wassalam, selon le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, il a dit, si vous voyez que les engagements ne sont plus tenus, c'est-à-dire que les gens ne tiennent plus leur engagement, si vous voyez que les engagements ne sont plus tenus par les gens, et qu'ils sont de moins en moins loyaux concernant les dépôts, et s'ils sont devenus ainsi, et il a entremêlé entre ses doigts, alayhi salatu wassalam. Amr ibn al-As a dit, je me suis levé, et je lui ai dit, ô messager d'Allah, comment je fais à ce moment-là, qu'Allah fasse que je sois, que je me sacrifie pour toi? Regardez, ce souci de ce noble compagnon, quand il a entendu ce qu'il a dit, le messager, alayhi salatu wassalam, il a dit, il s'est levé, il lui a dit, ya Rasulallah, comment je fais à ce moment-là, qu'Allah fasse que je me sacrifie pour toi? Il a dit, alayhi salatu wassalam, reste chez toi, retiens ta langue, et mets en application ce que tu sais de la vérité, et délaisse ce que tu ne sais pas, et délaisse ce qui est en divergence avec la vérité, et occupe-toi de tes responsabilités, et délaisse les problèmes de la masse. Il a dit, alayhi salatu wassalam, reste chez toi, retiens ta langue, mets en application ce que tu sais comme vérité, et délaisse ce que tu ne sais pas, et ce qui est en divergence avec la vérité. Et occupe-toi de tes responsabilités, c'est-à-dire de toi-même et de tes responsabilités, et délaisse les problèmes de la masse. Les savants, les hommes de science, ont orienté ce hadith en disant, cela c'est quand la personne est incapable d'ordonner le convenable et de blâmer le blâmable, ou quand il a peur d'être la cause d'un grand mal plus que celui qu'il existe. C'est pour ça que les savants portent ce hadith et les similaires de ce hadith sur les situations où on ne peut pas ordonner le bien et blâmer le mal. Mais il reste toujours pour la personne le fait de blâmer avec son cœur. Ceci doit toujours être présent dans le cœur de la personne, de blâmer le mal avec son cœur. Et on voit bien que notre messager, alayhi salatu wassalam, nous a annoncé que les séditions et le mal va augmenter vers la fin des temps. Mais alayhi salatu wassalam, il nous a orienté vers la voie à suivre pendant le temps des séditions et des fitnes. comme dans ce hadith. Il nous a orienté vers le fait, premièrement, le fait de rester chez soi et de ne pas se mélanger avec les mauvaises fréquentations pour ne pas être influencé par eux et par leurs mauvaises voies et leurs mauvais comportements. Mais cela ne veut pas dire délaisser les prières en commun, délaisser les prières, la prière du Jumu'ah. Et cela ne veut pas dire ne pas aller chercher sa subsistance. Non, abadan. Malgré tout cela, reste chez toi, cela implique aussi de ne pas rater les prières en commun. La Jumu'ah, et les différentes manifestations de bien qui sont les assises de science et ainsi de suite. Et le fait d'aller chercher sa subsistance. Cela ne veut pas dire se renfermer sur soi-même. La deuxième leçon et la deuxième orientation du messager alayhi salam, ne pas parler beaucoup et se taire plus que parler. Car l'être humain peut prononcer un mot auquel il donne aucune importance et le mot l'envoie au fin fond de l'enfer, comme nous l'a annoncé le messager alayhi salam. Et la troisième orientation dans ce hadith, mettre en application ce qui est conforme au livre et à l'authentique de la sunna selon la voie et la compréhension de le pieux prédécesseur, Allah alim. Et délaisser tout acte, toute parole, toute sorte de blâmable et tout ce qui est en divergence avec la législation d'Allah et avec la législation, la sunna du messager, alayhi sallatu salam, et la voie du pieux prédécesseur, Allah alim. Oui, il a de très nobles orientations de par notre prophète, alayhi sallatu salam. La quatrième orientation du messager, alayhi sallatu salam, dans ce hadith, c'est de s'occuper à se réformer soi-même, au niveau de son comportement, au niveau de sa religion, au niveau de sa aqidah, et s'éduquer selon le livre et la sunna, conformément à la voie des salaf, radhiyallahu anhum. Et s'occuper de sa femme, de ses enfants, de ses proches, avant de s'occuper des autres. La priorité doit être le fait de se réformer soi-même et de réformer ceux qui sont sous notre tutelle. Vous voyez ces quatre orientations du messager alayhi sallatu salam qui sont d'une grande importance. De rester chez soi, de ne pas se mélanger avec les mauvaises fréquentations pour ne pas être influencé par eux et pour ne pas être traîné dans leur mauvaise voie. Mais cela, tout en respectant l'accomplissement des prières en commun et en respectant le fait d'aller accomplir le Jumu'ah dans les mosquées et d'aller quand il y a les assises de science, d'y aller. La deuxième orientation, ne pas parler beaucoup et se taire plus que parler. Parce que on a tendance à trop lâcher sa langue. Et une parole entraîne une autre et après, on tombe dans la médisance, on tombe dans le colportage, on dit n'importe quoi, on rigole sur n'importe quoi, et on fait des blagues sur, des fois, des choses sur lesquelles il ne faut pas faire de blagues. Ne pas parler beaucoup et se taire plus que parler, car l'être humain, il peut prononcer une parole comme nous l'a annoncé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, cette parole va l'envoyer au fin fond de l'enfer. Et la troisième orientation, mettre en application la vérité, ce qui est conforme au livre et à la sunna selon la voie et la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alim. Et délaisser tout ce qui est en divergence avec cela. La quatrième orientation, c'est s'occuper de se réformer soi-même. Au niveau du comportement, au niveau de l'aqida, au niveau de la mise en application de la religion, de l'apprendre et s'éduquer selon le livre et la sunna, conformément à la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, et éduquer sa femme, ses enfants, avant de s'occuper des autres. Il faut pas être une bougie qui donne de la lumière aux autres, qui se brûle et se consume et se brûle elle-même. Méditons ce hâtard d'Abi Dharr Ghifari radiallahu anhu wa arda. Abi Dharr, dans ce qui est rapporté par Kharaïti, dans son livre Makarim al-Akhlaq, la noblesse des comportements, il a été rapporté que Abu Dharr aurait dit que la dictée d'un bien qui sera écrit est mieux que se taire. La dictée d'un bien qui sera écrit est mieux que se taire. Puis il s'est tué un laps de temps et il a dit, et se taire est mieux que la dictée d'un mal. Et se taire est mieux que la dictée d'un mal. Puis il s'est tué un moment et il a dit, et le bon compagnon est mieux que le mauvais. Puis il s'est tué un moment et il a dit, radiyallahu anhu wa arda, et la solitude est mieux qu'un mauvais compagnon. Et la solitude est mieux qu'un mauvais compagnon. Attention ici aussi, la solitude ne veut pas dire ce que font certains soufis. Hein? Qui délaissent les prières en commun, qui délaissent les jumu'ahs, ils se sauvent vers des retraites dans des grottes ou autres. Ceci est contraire à la voie du messager d'Allah et de ses compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. Hein? La solitude, c'est s'éloigner de tous ceux qui vont te faire du mal dans ton mandat et surtout dans ta religion. Cela qu'il faut fuir. La solitude, c'est s'éloigner de tout ce qui va te faire du mal dans ta religion et dans ton mandat. Écoute ce qu'a dit Nawawi rahimahullah dans Riyad al-Salihin, chapitre sur le mérite de se mélanger aux gens, d'assister à leurs prières en groupe, aux manifestations du bien et aux sciences du dhikr. Ici le dhikr, il veut dire les sciences où on apprend la religion d'Allah Azza wa Jal, où il y a qu'Allah, qu'al Rasoul, hein, qu'al Sahaba. Donc, le mérite de se mêler aux gens, d'assister à leurs prières, en groupe, d'assister aux manifestations du bien et aux sciences du dhikr, de rendre visite aux malades et d'assister à leurs funérailles, de réconforter les nécessiteux et d'instruire les ignorants, et autre avantage pour celui qui peut ordonner le convenable et blâmer le blâmable avec endurance et patience. Et il a dit, rahimahullah, sache que le fait de se mêler aux gens, tel que je l'ai cité, est le plus convenable. Car c'était la voix du messager d'Allah et de tous les prophètes, alayhi salatu wa salam. Ainsi, il a dit, sache que le fait de se mélanger aux gens, tel que je l'ai cité, est le plus convenable, car c'était la voix du messager d'Allah et de tous les prophètes, ainsi que les khalifs bien guidés, les compagnons, leurs successeurs et tous ceux qui sont venus après eux parmi les savants et les gens du bien. Et c'est la voie adoptée par tous ceux qui ont succédé aux nobles compagnons d'Allah alayhim hein? Et c'est ce qu'a dit Shafi'i rahimahullah et Ahmed et la plupart des savants, qu'Allah les agrée tous. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset qui dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, la traduction approximative du sens du verset, entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et ne vous entraidez pas dans les péchés et les transgressions. La table, verset 52. Et les versets à ce niveau-là sont nombreux. Fin de citation des paroles de Nawawi rahimahullah. Et dans l'entraide, ikhwat al-islam, dans l'entraide, dans le bien, il y a de grands effets bénéfiques pour l'individu et pour la société. Des effets qui sont très bénéfiques pour l'individu et pour la société dans laquelle il vit. Et vu les fitans dans les cités et dans les grandes agglomérations, hein, et dans les grandes villes, etc., une question a été posée à notre noble père, Cheikh Obeid. qui dit, est-ce que le temps qu'a dit le prophète ﷺ ainsi est arrivé? C'est-à-dire qu'il est mieux pour la personne d'avoir un troupeau de moutons et de rester avec et d'errer avec dans les hautes vallées entre les montagnes. Cette question qui fut posée à notre noble père, Cheikh Ubaid, fait allusion au hadith du messager ﷺ chez l'imam Bukhari, rahimahullah. Où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, bientôt la meilleure fortune du musulman sera un troupeau de moutons avec lequel il errera entre les hautes vallées des montagnes à la recherche d'eau pour sauver sa religion du fitan. Le hadith. Notre noble père Ubaid, hafidahullah ta'ala, a dit, ce qui m'apparaît, et je crois que nous savons, ne serons pas en divergence avec nous, c'est qu'il y a beaucoup de bien dans cette communauté. La louange est à Allah. Dans chaque pays de l'islam, il y a des savants, il y a des gens de mérite, et il est préférable ou plutôt obligatoire de les prendre comme modèle dans ce qu'ils ont de la sunna. Et je vois qu'il faut rester avec eux et de s'attacher avec eux, car avec eux, il y a la force, l'assistance, et avec eux, augmente la motivation. Il dit, Habibullah, je ne vois pas que le temps cité dans le hadith est arrivé. Il dit, même si ça se trouve dans certaines régions, supposons que la chose pour laquelle tu poses la question se trouve dans un endroit. Il y a d'autres régions, la louange est à Allah, où il y a le bien, et les gens du bien sont nombreux. Et il y aura toujours une fraction avec laquelle s'accomplit la preuve contre les créatures. Et il dit, Abdallah, mais il est obligatoire pour nous de chercher les gens de mérite, et les gens de science, et les vertueux, et les gens de la taqwa, et ceux qui sont sur la sunna, et on les rejoint, et on les fréquente. Et on les prend comme compagnons et on prend deux. Fin de citation. Donc, dans toute cette marée de sédition, notre devoir et notre obligation, c'est quoi? C'est de chercher les vertueux. Chercher les gens de la taqwa. Les gens qui vont nous aider dans notre religion. Les gens, quand on les fréquente, seront des bons conseillers. Les gens qui, quand on les fréquente, ils vont pas, hein, chercher des intérêts des picunes du sub-monde avec notre connaissance et avec notre fréquentation. Mais des gens qui vont nous orienter et nous être utiles et des bons conseils, que ce soit dans notre mandat ou que ce soit dans notre religion. Frères et sœurs, en Allah, Azza wa Jal, il faut tenir à ce qui va vous être utile dans ce bas monde et ce qui va vous préserver votre religion pour être sauvé et pour sauver votre au-delà et gagner le paradis et pour que vous soyez épargnés du feu de l'enfer. Et cela, tu ne serais y arrivé que par l'aide d'Allah. Et cela, tu ne serais y arrivé que par l'aide d'Allah d'abord. Et en délaissant les mauvaises fréquentations, et en te distinguant d'eux, on délaisse les mauvaises fréquentations, et on s'y distingue d'eux, et on se sépare d'eux. Car se mêler aux mauvaises fréquentations est une gangrène qui détruit la religion, l'intelligent parmi les humains, hein, qui détruit la religion de l'intelligent parmi les musulmans. Et ça ne suffit. La parole du prophète, alayhi salam, l'être est avec ceux qu'il aime. Et ceci, comme disent les hommes de science, ceci est un avertissement à celui qui a des mauvaises fréquentations. Car il va être avec eux quand? Le jour où il va tout regretter, où il ne pourra plus rien faire, le jour de la résurrection. L'être est avec ceux qu'il aime. Donc regarde qui tu aimes dans ce bas monde, qui tu fréquentes. Ceci est un avertissement à celui qui a des mauvaises fréquentations et qui a de la sympathie pour eux et qui les rencontre avec un visage souriant et qui les tout le temps, qui les côtoie de façon régulière. Et frères et sœurs en Allah, subhanahu wa ta'ala, ne te fais pas avoir par ta mauvaise compréhension et par la mauvaise compréhension de ceux qui disent, hein, l'être est avec ceux qu'il aime. Certes, cette parole, c'est une parole véridique de notre messager, alayhi salatu wassalam. Mais il faut qu'il soit comprise et employée comme il se doit. Écoute, qu'Allah nous fasse entendre à tous le bien. Et qu'Allah nous fasse profiter du noble Coran et de la noble Sunna et de la compréhension de nos pieux prédécesseurs d'Allah Alim. Écoute la parole de l'imam Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, dans cette synthèse du conseil qu'il a cité, rahimahullah. Safarini, rahimahullah, dans l'explication qu'il a fait de Tulatiyat à l'imam Ahmed, de l'imam Ahmed, il a dit, la parole est celle de l'imam Al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Il a dit, ô fils d'Adam, ne te fais pas avoir par ceux qui te disent, l'être est avec ceux qu'il aime. Bien sûr, comme je le dis auparavant, ce hadith est authentique, rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim. Mais certaines personnes utilisent ce hadith alors que leurs actes, leurs paroles, et si tu cherches dans leurs croyances, tout est en divergence avec le messager d'Allah. C'est ça qu'il a voulu, l'imam al-Basri, rahimahullah, al-Hassan al-Basri. Il a dit, ô fils d'Adam, ne te fais pas avoir par ceux qui te disent l'être est avec ceux qu'il aime. Il dit, rahimahullah, celui qui aime des gens, suit leurs traces. Et tu ne pourras attraper les pieux qu'en étant sur leurs traces et qu'en connaissant leur voie. Et en les prenant comme modèle et en prenant comme modèle leur voie, matin et soir, tu dois être sur leur voie et tu dois prendre, hein, comme modèle leur voie. Matin et soir, tu es sur leur voie, en tenant à être avec eux, en prenant leur vie, même si tu n'arrives pas à faire beaucoup d'œuvres, car l'essentiel, c'est que tu sois dans la droiture. Donc celui qui aime des gens doit les suivre. Et quand on aime les débauchés, les polythéistes, les innovateurs, on va les suivre. Parce que la nature tire et on est penché, hein, vers ce qu'on aime. Et il dit, rahimahullah, n'as-tu pas vu, écoute cela, n'as-tu pas vu, regarde la compréhension minutieuse que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à nos pieux prédécesseurs, d'Allah alim. N'as-tu pas vu les juifs et les chrétiens et le Mourji'a de cette communauté aiment leurs prophètes. Ils ne sont pas avec eux, car ils sont en divergence avec eux au niveau des paroles et des actes. Ils ont pris un autre chemin que leur chemin. Et leur fin sera l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Fin de citation. Comme ils disent bien, et qu'on comprenne bien, cet avertissement de ce noble homme de science, l'imam Al-Hassan al-Basri, ô fils d'Adam, ne te fais pas avoir par ceux qui te disent l'être est avec ceux qu'il aime. Celui qui aime des gens suit leurs traces et tu ne pourras attraper les pieux qu'en étant sur leurs traces et qu'en connaissant leur voie et que cette voie tu la prennes comme modèle. Matin et soir tu es sur leur voie, tu suis leur voie en tenant à être avec eux, en prenant leur voie, même si tu n'arrives pas à faire beaucoup d'œuvres, car l'essentiel c'est que tu sois dans la droiture. N'as-tu pas vu les juifs et les chrétiens et le Mourji'a de cette communauté aiment leurs prophètes. Ils ne seront pas et ils ne sont pas avec eux, car ils sont en divergence avec eux au niveau des paroles, au niveau des actes, et ils ont pris un autre chemin que leur chemin, et leur fin sera l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Fin de citation des paroles de l'Hassan al-Basri, rahimahullah. Qu'on fasse très attention, et qu'on ne se fasse pas avoir, et qu'on se fasse pas avoir et qu'on se laisse pas traîner vers notre perte dans ce bas monde et dans le delà, à suivre nos passions et à être avec ceux qu'il faut éviter, hein, d'où la nécessité de connaître aussi, comme nous avons connu les caractéristiques des vertueux qu'il faut chercher, Il est de notre devoir de connaître, et il est nécessaire pour nous de connaître les caractéristiques des gens du mal, pour les éviter, car les mauvaises fréquentations sont des catégories. Et le pieux des prédécesseurs d'Allah nous a ouvert cette voie, comme celui qui a dit عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. J'ai appris le mal, non pas pour le mal, mais pour l'éviter, car celui qui ne fait pas la différence entre le bien et le mal risque d'y tomber. Et celui qui nous a ouvert cette voie, c'est notre pieux, le noble compagnon Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu wa ardah, l'homme du secret du prophète alayhi salatu salam, qui a dit, les gens, à l'époque du prophète alayhi salatu salam, lui posaient des questions sur le paradis, et moi je lui posais des questions sur l'enfer, pour ne pas y tomber, sur le mal, pour ne pas faire le mal. Donc, il est nécessaire pour nous de connaître aussi les caractéristiques des gens du mal, pour les éviter. Car les mauvaises fréquentations sont des catégories. Et en première catégorie vient les associateurs et les politistes de tous bords. Deuxièmement, les innovateurs. Troisièmement, et il est l'enfant de la femme de l'innovateur. Celui qui litige sur la religion d'Allah et qui polémique sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, faussement et avec pour jeter des ambiguïtés. Et parmi les mauvais qu'il faut éviter, les colporteurs, les médiseurs, les alcooliques et les débauchés de tous bords, les transgresseurs, il faut éviter aussi les devins, les sorciers, les fornicateurs, les homos de tous bords, qu'ils soient au niveau des femmes ou au niveau des hommes. Tous ceux-là sont à éviter pour sauver sa religion et pour sauver son bas-monde et sauver son au-delà. Tous ceux-là, ils sont à fuir comme on fuit le lion. Et encore, si le lion te dévore et que tu es sur une bonne aqida et un bon minhaj, tu es, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, parmi les gagnants. Mais c'est l'un de ceux-là t'emporte dans son délire, t'emporte dans sa déviance, t'emporte dans sa débauche, t'emporte dans ses innovations. Tu as tout perdu si Allah ne te sauve pas par le repentir. Donc, les premiers à fuir, frères en Allah, Zawajal et sœurs en Allah, subhanahu wa ta'ala, ce sont les polythéistes de tous bords, et les mécréants de tous bords. Notre soumission à Allah implique de se distinguer et de désavouer toutes sortes de polythéistes et de mécréants, qu'ils soient chrétiens, juifs, zoroastriens, bouddhistes. Ceci, le désaveu, c'est une base de notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. L'alliance et le désaveu, c'est l'alliance pour les croyants et pour les vertueux. Et le désaveu pour tous ceux qui sont en divergence avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une base de notre religion et c'est une base de notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit comment beaucoup combattent cette base pour l'ébranler, pour la faire disparaître, pour la détruire. Il n'y a qu'à voir cette nouvelle religion de laquelle on parle depuis un petit moment maintenant, qu'on veut imposer au monde, cette religion dite la religion abrahamique. Où, dans cette religion, on met à pied d'égalité le judaïsme, le christianisme, l'islam et les autres religions. Comment les contradictions peuvent-elles se réunir? Comment des lignes parallèles peuvent-elles se rencontrer? Sinon, ils peuvent se rencontrer au détriment de l'alliance et du désaveu, qui est une base cruciale de notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a cité dans le Coran comment Ibrahim alayhi salatu wassalam s'est séparé, s'est distingué de son père et de son peuple et de leur polythéisme. Et Allah nous a orienté à suivre son modèle. قال عز وجل قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. La traduction approximative du sens de ce verset dans sourate la mise à l'épreuve, verset 4, la traduction approximative nous dit ceci: vous avez un excellent exemple en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui lorsqu'ils dirent à leur peuple: nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions l'inimité et la haine demeure manifeste entre nous jusqu'à ce que vous croyiez en Allah. Allah nous a conté aussi l'histoire de Houd, du prophète et du Houd, alayhi salatu salam, avec son peuple, quand il leur a dit: qala inni ushhidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun anni bari'un mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. La traduction approximative du sens de ce verset dans sourate Houd, verset 56-54: je prends Allah à témoin et soyez-vous ces témoins que je désavoue tout ce que vous adorez en dehors d'Allah. Rusez donc contre moi et complotez contre moi et ne m'accordez aucun délai. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'est pas une créature qui ne soit pas soumise à son pouvoir. Mon Seigneur est sur une voie droite. Houd, sourate Houd, verset 54 à 56. Allah, subhanahu wa ta'ala, a ordonné aux soumis de se distinguer de toute catégorie d'associateurs et de se séparer d'eux. Qala azza wa jal, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Donc le verset 22 dans la discussion Mujadala, la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: tu ne trouveras jamais ceux qui croient en Allah et au jour dernier, affectionnez ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leurs parents, leurs fils, leurs frères ou des membres de leur clan. وقال سبحانه وتعالى فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. La traduction approximative du sens de ce verset dans sourate l'Étoile, verset 29 à 30: écarte-toi donc de ceux qui se détournent de notre rappel et ne désirent que la voie, que la vie présente. Voilà tout ce qu'ils savent. Ton Seigneur sait parfaitement qui s'égare de son chemin et il sait parfaitement qui se dirige sur la voie droite. Donc, cette distinction qu'Allah nous a ordonnée est obligatoire et il est nécessaire pour qu'on puisse sauver notre religion. Car les choses contradictoires ne peuvent se réunir, surtout que le soumis à Allah est dans une religion qu'Allah aime et agrée, et l'autre est dans une religion qu'Allah déteste et n'agrée pas. Et dans la fréquentation du musulman aux polythéistes et aux mécréants, il y a un grand danger pour les croyants et pour les convictions, pour les croyances et les convictions du musulman. Car le mécréant émet des ambiguïtés des fois que le musulman ne sait pas réfuter, ou n'ayant pas le bagage scientifique pour pouvoir les réfuter et s'en protéger. Et frère en Allah, Zawajal et sœur en Allah, subhanahu wa ta'ala, et quand on parle de l'alliance avec les, du désaveu avec les mécréants, il faut faire la différence entre ceci et les rapports commerciaux et les rapports entre les fils et les filles qui se sont soumis à Allah et leurs parents mécréants. Car il est demandé d'être bon et serviable vis-à-vis de ses parents dans le bien, et de les aider dans le bien, et de faire dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide, et commercer avec les mécréants, ceci n'est pas interdit dans la religion d'Allah, azza wa jal. Mais il faut que ça reste, hein, au niveau du mondain. Khlas. Et que notre cœur ne soit pas touché par une affection pour eux. Hein? Et les parents, on a des rapports avec ses parents, on aime, il faut aimer pour ses parents qu'ils soient guidés, etc. Et détester la mécréance et le politisme dans lequel ils sont, et ne pas assister avec eux dans les tables sur lesquelles il y a de l'alcool, il y a du porc, et ainsi de suite. Mais les aider dans le bien, et leur faire dua, et leur montrer les bons comportements de l'islam, espérons avec cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre leur cœur. Ceci, il n'y a aucun mal et ceci ne dénigrant rien, ils n'altérant rien le désaveu. Donc, la distinction est demandée. Regardez, si on n'accomplit pas cette distinction et cette séparation, et que nos enfants sont éduqués dans les écoles de la laïcité, on se moque de la religion d'Allah, et on se moque du messager d'Allah, Azza wa Jal, et où on leur enseigne que tout un chacun peut choisir d'être masculin ou d'être féminin. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé celui-là masculin et celle-ci féminin. Méditez ce grand problème dans la aqidah pour nos enfants. Méditez cette ambiguïté et cette problématique qui va s'installer dans le cerveau du gamin alors qu'il est encore, hein, très petit. L'alliance, il disait, est une partie intégrante de notre aqidah, une partie intégrante de notre soumission à Allah. Il a aqidah, s'il est altéré, donc notre religion est foutue. Si la aqidah est altérée, notre religion, hein, est foutue. Il ne correspondra plus à la religion agréée par Allah sur laquelle était Muhammad alayhi salatu wasalam et ses nobles compagnons. Qu'on fasse très attention. C'est pour ça que les ennemis d'Allah, mécréants, laïcs, libéraux et les innovateurs de toute tendance s'acharnent sur l'alliance, ils disent aveux, sur ce sujet. Ils s'acharnent dessus avec tous les moyens et toute l'énergie qu'ils ont pour la faire disparaître. Observez cette da'wa impure et cette nouvelle religion appelée la religion ibrahimiya, où on met à pied d'égalité la trinité et le monothéisme, où on réunit les contradictions, tout ceci pour détruire cette noble aqidah du soumis d'Allah. Qu'on se leurre pas, il faut se sauver des pays de la mécréance et il faut s'écarter des mécréants. Car on risque gros, on est en mélangé avec eux. Combien parmi nous habitent à côté des églises et les sons de cloches, les sons du polythéisme sonnent, et c'est quelque chose qui est devenu normal et naturel pour ceux qui l'entendent. C'est devenu quelque chose qui fait partie de leur quotidien, que le cœur ne blâme même pas. Je vais parler avec certains, ils disent, on n'y fait plus attention. Et qu'on fasse très attention à ces prêcheurs du faux. Il y a ceux qui veulent nous induire en erreur et nous emmener vers notre perte dans notre religion, qui appelle vers l'unicité ou la fraternité des religions. Certes, en étant éprouvé de vivre dans les pays de mécréance, il nous est demandé de s'acquitter de nos devoirs vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des habitants et vis-à-vis des voisins, mais il nous est interdit de fondre dans leur voix, et dans leur délire, et dans leur débauche. On agit avec eux, avec ce qu'on appelle le mudarat. Le mudarat, qui est le fait de sacrifier le mondain pour la religion. Mais on ne doit pas faire le mudahana, qui est le fait de sacrifier la religion pour le mondain. Donc le mudarat est demandé, parce que tu es au milieu d'eux, hein, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre une issue pour partir. Tu sacrifies ton mondain pour ta religion. Mais tu ne dois pas tomber dans le mudahana, qui est le fait de sacrifier sa religion pour son mondain. Nous devons être éveillés. Les mécréants de tous bords veulent qu'on soit comme eux et qu'on les imite dans tout ce qu'ils font. Et notre messager nous a avertis contre eux le fait d'imiter les koufars. Et ceci est très grave. La situation, si c'était ici avec la mort et après c'est fini. Mais non, on va mourir et on va être questionné. Et les questions ne vont pas concerner tout simplement notre vie, vont concerner aussi nos responsabilités, la responsabilité de nos femmes, la responsabilité de nos enfants, de nos filles, et ainsi de suite. Et si on ne s'acquitte pas de notre responsabilité dans ce bas monde, c'est pas une fois qu'on sera dans la tombe qu'on va le faire. Il faut regarder l'avenir proche qui est le delà, qui est proche, comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui va arriver arrivera. Ce jour va arriver. Et nous allons rendre les comptes. Donc il faut faire très attention. Et il faut sauver ce qu'on peut sauver, tant qu'il est temps, tant que nous avons notre âme dans nos corps, tant qu'on n'est pas enterré, tant qu'il n'est pas interdit de quitter les pays de mécréance pour les pays de l'islam. Et qu'on se rappelle ce que nous avons vu, comment dans la série l'histoire se répète, comment les nobles compagnons ont délaissé tout ce qu'ils avaient de plus cher pour Allah, pour la religion d'Allah et pour suivre le messager d'Allah Azza wa Jal. Et ces exhortations, c'est pour nous motiver, pour nous rappeler à œuvrer comme il se doit pour que nous soyons sauvés, pour qu'on œuvre pour être sauvés. Sauver notre religion et sauver notre au-delà. Sallallahu alayhi wa sallam. Rabbil arsh al-azim. Bi asma'i al-husna. Wa sifati al-ula. An yulzuqna wa iyaakum al-fiqha fi dinih. Wa an yumatti'na wa iyaakum bini'amihi. Wa an yaj'alana wa iyaakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa asalu subhanahu wa ta'ala an yusahhila lana wa yuyassira lana هجرتنا إلى بلاد المسلمين وأن ييسر لنا إقاماتنا في بلاد المسلمين وأن يمن علينا بفضله وكرمه ورحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا